Bonjour et bienvenue sur le premier numéro de Welcome to the Jungle, un podcast qui va discuter de culture geek, culture populaire, cinéma, jeux vidéo, musique, livres et tout ce que vous voudrez, en abordant à chaque fois une problématique qu'on aura déterminée avant. Et pour ce premier numéro, épisode 0 qu'on va appeler, on va principalement se présenter et je vais laisser la parole à Pierre qui va parler de lui. Pierre qui a coupé la parole, excuse-moi Guillaume. Parlez, j'ai vu. Alors moi c'est Pierre, hein, pas de surprise. J'ai plus la trame, qu'est-ce que je dois dire? Ouais, j'ai 23 ans, qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis célibataire, non je rigole, pardon. Tissia, tu nous entends? Excuse-moi Tissia, non, je suis pas célibataire du tout. Alors j'ai eu été au chômage pendant 2 semaines, mais j'ai retrouvé, je pars à Montréal. En septembre-octobre, donc c'est super. Qu'est-ce que vous pouvez savoir sur moi? Tu vas faire quoi à Montréal? Chef de projet dans une boîte de production pornographique. Aussi propre. Hein. Je fais aussi quoi le nom? Manéo Studio. Gros trou de balle à Montréal. Ah putain, je savais pas ça. Si vraiment je le croise un jour cette boîte, je te prendrai une photo. Je fais sinon 80 kilos pour 1m80, les yeux marron, foncé l'hiver et clair l'été. Ça, c'est pour mes données biométriques, pour ceux qui veulent. Et c'est à peu près tout pour l'instant. Et Steven, donc, le troisième, Luron. Alors, moi, c'est Steven, j'ai 26 ans. Je suis vacciné. Ah non, tiens, d'ailleurs, putain, faut que je vous refasse cette année. Profession, je suis animateur. Occupe de mioche, putain, trop bien. Pour enfants, on précise, on dirait que tu es animateur radio. Je suis animateur d'enfants, je m'occupe d'enfants, pour ce qui est du centre de loisirs, colonie, tout ça. Et je fais du 45 en chaussures, pantalons secs, à vous de voir. D'accord, merci. Au moins, je le sais maintenant. Et du coup, moi, votre hôte, Guillaume, j'ai 25 ans. Je suis ingénieur en informatique, je suis un geek, je fais du code, comme disent les gens qui n'y connaissent rien. Ah, tu fais du code ! Tout cela est vrai. Précisément, je suis chef de projet informatique. Et qu'est-ce que je peux dire de plus ? Je ne suis pas célibataire. Nous n'avons pas précisé, nous sommes tous brestois pour ceux qui ne nous connaissent pas, ce qui, à mon avis, est impossible. Ah, c'est vrai ça. Voilà, on va pouvoir enchaîner. Ce que je voulais faire pour ce premier épisode, pour apprendre à mieux se connaître, c'était un portrait chinois. Bon, c'est un peu pas vraiment un portrait chinois, parce que normalement, le portrait chinois, c'est à partir de personne. Là, c'est plus quel est ton film préféré, ton jeu préféré, ta série préférée, ton livre, et ainsi de suite. Et tutti quanti. Et on va commencer, que je retrouve la liste. Voilà. Si vous étiez un film, et on va faire dans le même ordre, donc Pierre, Steven, puis moi. Ça vous va? Oui, j'adore être le premier. Sachez d'ailleurs que le deuxième est le premier perdant. Retenez cette phrase. Alors, ça a été dur, honnêtement, et puis je suis quelqu'un qui a du mal à se décider. Alors, t'as dit quoi en premier? Série, c'est ça? Non, film. Mais c'est pas grave, on m'écoute pas, c'est pas... Est-ce que j'ai fait film? Ah, très bien, j'ai fait film. Ça a été super compliqué, surtout que dernièrement, il y a eu pas mal de bons films. Mais en prenant du recul sur ma vie... Oui, j'ai pris du recul sur ma vie. Je dirais Seigneur des Anneaux, que ce soit 1, 2, 3. Hein ? Oh, ouais. Enfoiré. Il fait des blagues, il les lance, mais personne ne... Que ce soit Seigneur des Anneaux 1, 2, 3 ou The Hobbit, on va dire 1, 2, 3 quand même aussi. J'ai eu que de bons souvenirs, j'ai énormément de répliques qui me reviennent dans la tête très régulièrement, donc oui. Ce serait... Et parmi les 6, il n'y en a pas un que tu dois en choisir qu'un ? Je me rappelle plus. Que tu reviens toute ta vie et pas les autres. En fait, c'est le 3 de chaque. Le 3 de Seigneur des Anneaux et le 3 de The Hobbit. C'est là où il y a les plus grosses batailles. C'est là où je saute sur mon fauteuil au cinéma et que les autres me disent ta gueule, Pierre, on est en train de regarder. Moi, j'adore, ça me hype les scènes de combat, là. Les lames avec du sang, les orques. Oh, pardon. Et monsieur n'a pas aimé la scène finale d'Avengers Endgame. Oh, c'est trop kitsch. Non, je veux de l'elfe, de l'orque. Moi, c'est vrai que les univers sont fantastiques, c'est ça qui m'attire plus que... Mais c'est très bien Avengers, attention, je critique pas, mais voilà, si je devais mettre un petit pouce, ça sera plus sur... Seigneur des Anneaux et The Hobbit. Alors ça, c'est pour le film, voilà, j'ai donné... Steven, on va faire tous le film et après on... C'est comme ça. Alors moi... pendant des heures. Pardon. Ouais, c'est vrai. Pour ce qui est des films, alors... un peu pareil, hein, de réussir à déterminer son film préféré parmi la quantité monstrueuse de films qu'on se bouffe à l'année. Mais j'ai quand même retiré deux films, dont un, voilà, pour vous, ça n'est pas nouveau, mais c'est Man on Fire. Hein, voilà, j'en étais sûr. Parce que après, pour ceux qui connaissent pas, c'est avec Denzel Washington. Voilà, ouais. C'est un vieux film, quoi. Ouais, il doit bien avoir une quinzaine d'années déjà. Mais ouais, voilà, c'est un film qui a toujours la même émotion, même après l'avoir regardé 10 fois. Et récemment, on va dire, l'un des films qui m'a fait ressentir la même chose, bah, c'était Avengers Endgame, quand même, avec ouais. La fin. Et puis même la claque qu'on a prise. Je devais en parler. Après, il y en a peut-être là récemment des films aussi où j'ai. Mais c'est celui-là qui m'est venu en tête, donc je suppose que c'est pas pour rien. Donc. Ouais. Donc, voilà. Je suis d'accord. Donc pour moi, après, je suis d'accord par exemple pour vos films, que ce soit Avengers ou Le Hobbit, j'adore Le Seigneur des Anneaux. Mais j'ai du mal à mettre ce genre de film comme film préféré. Pour moi, un film préféré, c'est plus des films, on va dire, poétiques ou films à Oscar. Et bien sûr, vous savez tous quel est mon film préféré. Tous en cœur. La La Land. Merci Pierre. La La Land. Qui est un très bon film. Non. Que j'ai vu au moins 7 fois. Oh putain. Voilà, ah, c'est ouais. Pour moi. Ouais. Il faudrait que c'est un Français en fait. Qui a réalisé, ou Canadien. Ouais, enfin, il parle français. Quoi, Damien Chazelle. Voilà, faudrait on va passer à la série du coup. En essayant d'aller un tout petit peu plus vite. Allez, plus vite. Alors, on passe à quoi ? C'est quoi ces séries ? Là aussi, j'ai eu du mal. Et là, je me suis basé sur les sensations, les souvenirs, les sentiments que j'ai éprouvés, le feeling, comme on dit en anglais, pour les séries. Alors, je parlerai de deux, mais si je dois en faire qu'un, ce sera Breaking Bad, parce que je l'ai regardé pendant un bon mood, une bonne période de ma vie. L'univers était où ? J'aime bien l'univers américain, moderne, actuel, avec la production de drogue aussi, dans un contexte un peu tout à fait original, à moins que ça arrive pour ceux qui ont vu Breaking Bad, mais j'ai beaucoup aimé ce qui se racontait. Si vraiment je devais en citer un deuxième, ça serait The Office. Parce que je t'as un nom d'écune, merci. The Office quand même. Je prends. Steven ? Bon. Ouais. C'est pareil que pour les films, compliqué. Mais je peux pas ignorer forcément Game of Thrones, parce que voilà, même si voilà, beaucoup diront la dernière saison, voilà. Mais il n'empêche que voilà, toute série confondue, on n'a jamais pris autant de claques et tout. Enfin, ils ont recréé. Tu peux recommencer, on t'a pas entendu. Hein? On n'a pas entendu? Ah, coupure. Comme je disais, Game of Thrones, ils ont quand même refait le genre des séries. Ça a pris une tournure à la sortie de cette série. Donc, elle mérite sa place dans les tops. Et sinon, là, en ce moment, This Is Us, j'aime beaucoup ce type de série, un peu, qui ressemble un peu à des séries plus posées, un peu familiales, tout ça, avec des petites histoires assez intéressante. Et après, il y a des petites séries moins connues comme Grimm, je l'avais en tête. C'est moins connu, mais c'est des petites séries quand même très sympathiques à voir. Mais après, qui plaît pas à tout le monde, quoi. Donc voilà. Grimm, c'est celle sur les contes de Grimm, justement, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Donc elle était très bien comme série, j'ai bien kiffé. C'est sur Netflix? C'est sur Netflix, je crois, ouais. Si, ouais, ouais, okay. si, ça me parle, mais j'ai peur de mélanger. Avec Once Upon a Time, c'est un peu le même délire, j'ai l'impression, du coup. Ouais. Mais voilà. Okay. Du coup, tu as un peu spoilé mon truc, parce que moi, c'est This Is Us. Voilà. Ouais. Comme ça, This Is Us sera deux fois dans le top. Donc, ouais. Ma série préférée depuis récemment. Avant, j'aurais dit How I Met Your Mother, mais en fait, c'est un peu de la merde, How I Met Your Mother. Ouais. Depuis que j'ai vu The Office, je me rends compte que, bon, voilà, quoi. voilà pour moi. Un personnage de jeu vidéo. Attention, un personnage de jeu, pas un jeu. Ah ouais. Je tiens à dire que Steven a dit 3 séries. Donc j'aurais le droit de dire 4. Oh, je sais pas moi. J'aurais non, non, c'est bon. Non, je déconne. Alors, un personnage, ça change toute la donne. Un. Allez vite, Pierre. On va dire. Oh, un personnage. Ouais, ok. Comment il s'appelle? Éclairez-moi, éclairez ma lanterne. Dishonored. Corvo. Corvo Atano, ouais, je dirais Corvo Atano. Ouais, mais en fait, ton jeu préféré, c'est Dishonored, du coup. Oui. Oui. Mais là c'est super. Personnage de jeu vidéo. Personnage de jeu vidéo, ok. De jeu vidéo. En vrai, j'en ai aucune idée. Je crois que j'en ai T'avais pas. T'avais choisi un jeu vidéo à la base? J'avais super. Non, enfin, si, oui, un jeu vidéo, oui, bah oui, forcément. T'avais pris quoi comme jeu? J'avais pris Skyrim, il n'y a pas de. Dovahkiin. Mais. Ton personnage préféré, c'est celui que tu crées, Steven? Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais. Ouais, non. Si, en personnalité, enfin, si, en jeu vidéo, il y a peut-être Link. On est quand même tatoué avec. Ouais, c'est vrai. Link, le classique. Voilà. Après, il est en enfin, le personnage en lui-même n'est pas très intéressant. Il parle jamais, du coup. Bon. Je crois qu'il jamais, et puis, on va pas se mentir, il n'est pas très charismatique. Il parle pas mal. Mais, ouais. Ok. Moi, mon personnage préféré, j'aurais dit que c'est Kratos. Du dernier, principalement, même si j'aime bien le Kratos d'avant. Mais celui du dernier God of War m'a particulièrement plu. En fait, en ayant joué au God of War d'avant, je trouve qu'il est encore plus stylé, le Kratos. C'est vrai, il est Kratos. Ouais. Et pourtant, God of War n'est pas mon jeu préféré. Ah si, moi j'ai oublié son nom, mais l'héroïne dans Horizon, je l'aimais bien aussi. Aloy. Aloy, ouais, c'est ça, je crois. En fait, je suis en train de regarder ma vitrine de pop et... Ok, bon, on va faire un dernier. Donc, parmi ceux que j'ai, on va prendre les livres et mangas pour être large. Ok, ouais. Et je vais laisser la parole à Pierre. Est-ce que tu m'autorises deux? Est-ce que tu m'autorises un manga et un livre? Parce que je lis les deux de manière... Un manga et un livre, allez. Yes, yes, je l'ai eu. Alors, commençons livre. Sachant que normalement, livre, j'ai trois catégories. J'ai développement personnel, roman et business. Il va falloir que j'en choisisse qu'un. Il y a une catégorie porno. Mais... Ouais, mais ça, je l'ai mis de côté. Ce sera pour un autre podcast. Donc, c'est compliqué. Mais franchement, je vais parler d'une... Comment dire comment on appelle ça quand c'est trois livres qui suivent Trilogie. Ouais, on peut parler d'une trilogie de Virginie Despentes qui s'appelle Vernon Subutex, qui décrit bien un peu l'esprit des, comment dire, des rockers des années les 80 qui ont aujourd'hui, ouais, qui ont vieilli aujourd'hui et qui se retrouvent face aux nouvelles valeurs, aux nouvelles normes de la société française, notamment à Paris. Et comment ça se traduit, comment ont évolué ces valeurs, les valeurs rock et punk des années 70, comment elles ont évolué en 2002. 2019, c'est marrant parce que du coup j'ai vu la série adaptée du livre qui ouais. Est sympa sans plus. Et tu me disais que c'est, enfin, quand je t'en racontais, tu me disais que c'était vraiment le tout début du livre et qu'après ça partait beaucoup plus en couille. Ah ouais, ah, c'est vraiment bien. Franchement, pour ceux, enfin, je donne pas de suggestions pour le moment, mais Vernon Subutex, les trois de Virginie Despentes, c'est vraiment une bonne, enfin, trois bons livres qui se suivent d'ailleurs. Alors pour le manga, c'est d'autant plus compliqué. Beaucoup. Non, j'en lis pas beaucoup. Non, c'est vrai. Ah si, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, je suis sur 6 séries différentes, enfin 6 animés de mangas différents. Mais je parlerai d'un des très récents que j'ai fini très récemment, qui est Last Hero Inuyashiki de Hiroya Oku. C'est terminé là ? C'est terminé jusqu'au 10e tome. Ça termine au 10e tome, c'est super bien. J'ai dû poser le manga entre mes mains, j'ai pas pleuré, mais j'étais genre, mais bordel, la fin, c'est pas une grosse histoire, mais la fin est très émouvante, et tu dis, et c'est plein de valeurs, plein de sens, et je me dis, c'est pour ceux qui cherchent un manga à l'heure actuelle, c'est assez court, hein, 10 tomes, ça se lit, ça se loche en une après-midi au dialogue de Brest, hein, sans faire de pub, on n'est pas sponsorisé non plus, et ouais, je pense, je dirais celui-ci, pas One Piece, ça c'est sûr. Typique dans la gueule. Vas-y, à toi, Steven. Bah moi, vous savez, les lectures, voilà. ouais. On manque, enfin, le livre récent et qui m'a voilà, fait frissonner d'envie, c'est d'ailleurs, je crois, le seul livre depuis que je suis né que j'ai vraiment eu envie d'avoir et du coup, vous me l'avez offert, merci encore. Qui est donc l'origine de Game of Thrones. Donc, un livre qui parle de ce qui s'est passé avant la série. Donc voilà, surtout l'histoire de Westeros et tout. C'est pas un livre illustré en mode BD, mais il y a quand même beaucoup d'illustrations et tout. Il est vachement beau quand même. Voilà, c'est un livre très. Il s'est entouré de personnalités assez assez connues dans ce qui est de dessin ou même il est compté le livre en fait. C'est un maître qui parle et tout. Et du coup, il est facile à lire et il est très prenant. Quoi. C'est comme si, ouais, d'accord, c'est un peu comme si un maître racontait l'histoire des années après, quoi. Ouais, et il parle des autres maîtres. Et en fait, il parle de ce qui se passe autour de lui et il raconte en même temps. Enfin, ça, c'est... D'accord. Et pas mal. Mm-hmm. Pas de manga là-dedans. Et manga, bah non. Je sais que quand si j'avais. Manga, pas animé, hein. Je parle vraiment de manga, donc. Oui, ouais, ouais. Que ce que tu as lu en lecture, donc peut-être que. Non, je crois que j'en ai lu aucun. Non. Ok. Ah faux frère. Moi, sans grande surprise, ça va être One Piece pour le manga. Puis la lecture, je vais pas faire semblant, hein, je lis pas beaucoup. Allez. C'est des comics et des mangas. Bon, ça compte. Le seul livre que j'ai lu récemment, c'est un livre sur Kingdom Hearts. Bah voilà. En deux ça tomes qui faisait 500 pages chacun, ce qui est rare pour moi. C'est déjà ça. Donc voilà, One Piece, le grand, le seul, unique que tout le monde connaît et que tout le monde vénère. Non, pas du tout. On va s'arrêter là pour le portrait chinois, parce que je voudrais que l'émission soit pas trop longue, et je pense qu'on est déjà à un certain temps d'enregistrement. Eh, moi je voulais parler... De... faire pour finir, on va parler de nos suggestions, donc je pense que c'est un truc qu'on fera à la fin de chaque podcast. C'est un peu en ce moment, qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on lit, qu'est-ce qu'on fait, ah oui. De manière geek on va dire, à quoi on joue. On va dire un seul, parce que Pierre je te connais et tu vas nous en sortir vite. Ouais. Tu fais un choix, t'en sors qu'un. Et si tu n'es pas prêt, je suis prêt à prendre la parole. Tu parles de quoi ? La série, livre Ce que tu veux. Ah ouais, et c'est un truc que tu conseilles. Oh la vache, t'es dur hein, quand même. Hein. Merci. C'est ce qu'elle disait. Eh ben, tout de suite, je sais de quoi je peux parler. C'est vraiment, ça va être une série. Alors, je regarde très peu de séries. Ça va être Tchernobyl. Pourquoi Tchernobyl ? Parce que ça relate les faits de manière plus ou moins précise. Je dirais plutôt précise quand même. Les faits de Tchernobyl en 1986. Ce qui s'est passé, le pourquoi du comment. Les souffrances, enfin, ça relate de tout. C'est vraiment, ça fait une piqûre de rappel en termes d'histoire, de cours d'histoire. Donc, si vous avez quelque chose à faire, à regarder, c'est bien Tchernobyl en 5 épisodes, c'est parfait. 6 non 5 Bah 6 alors, je sais plus. 6 alors. Non, t'as peut-être raison. Bref, Steven. Bah, je vais peut-être te piquer l'idée, mais je vais conseiller This Is Us du coup, parce que je pense que. En fait, quand je parle de séries avec les gens, en général, on va évoquer justement du Game of Thrones, des séries très mises en avant. Et ce genre de séries, on a l'impression que ça peut pas intéresser les gens, alors qu'au final, bah, ça, c'est un peu notre vie, finalement. Enfin, bon, eux, c'est un peu plus coûté. C'est américain, quoi. C'est américain, voilà, mais, ouais. En fait, je pense que c'est le genre de série qui peut plaire à tout le monde. Et même ceux qui l'appréhendent et qui vont dire ouais c'est un peu bolasson machin, en fait tu plonges dedans dès le premier épisode d'ailleurs et du coup je pense que c'est le genre de truc qu'il faut conseiller quoi. Je pense que ça peut plaire à beaucoup de monde. Voilà. Ouais, c'est vrai que pour This Is Us, c'était pas ça que j'avais conseillé parce que j'ai vu maintenant il y a longtemps et je suis les sorties tout le temps. En France, c'est pas très connu, ça passe sur Canal, je crois, mais enfin, c'est pas très connu. Aux États-Unis, c'est un gros, gros, gros carton. Ça s'est passé pendant le Super Bowl l'année dernière, et les séries qui passent pendant le Super Bowl, c'est des grosses séries à gros potentiel de téléspectateurs. Des gros budgets. Ouais. Moi, du coup, comme je suis l'hôte et que j'ai pas trop fait, je vais en dire deux, voilà. Non. The Office, parce que je suis en train de finir, il me reste 4 épisodes pour finir la série. Et que je tiens à dire que c'était une des meilleures séries comiques que j'ai jamais regardées. Même si la fin est nulle. Les vrais savent. Et pour l'autre, ça sera un animé. C'est Kimetsu no Yaiba. Je ne saurais pas dire de qui c'est le mangaka. Je n'ai pas le nom sous les yeux. Et en France ou aux États-Unis, on dit Demon Slayer, donc chasseur de démons. Et c'est super bien. Enfin, moi, je n'ai pas lu encore le manga. Peut-être que je lirai quand j'aurai fini la saison. Là, je regarde l'animé en termes d'animation, mais c'est magnifique. Enfin, vraiment. Pff. Et l'histoire, ça se rapproche un peu de. Enfin, je trouve. Pourtant, j'ai pas tout vu, mais Tokyo Ghoul. C'est un peu pareil. Il y a des enfin, pas dans Tokyo Ghoul, c'est des ghouls, mais là, c'est un peu des démons. Et il y en a un qui est chasseur de démons, du coup. Et aussi un peu Hunter x Hunter. Pour le côté, il passe un. Enfin, au début, t'as l'impression que ça va être vraiment que. Il va passer un concours pour devenir Demon Slayer et en fait au bout de 4 épisodes c'est fini et puis tu passes à un truc beaucoup plus intéressant. Oh tu spoil pas s'il te plaît là. Non justement je m'arrête là. Non, je tiens juste à dire que c'est super et que je recommande grandement et je crois qu'on est à 19 ou 20 épisodes pour l'instant sorti et c'est disponible sur une plateforme je dirais Crunchyroll mais je suis pas sûr. Ok ouais. Et ben je pense qu'on a terminé sauf si vous avez un mot à ajouter. La santé. Non, je déconne. Et surtout, la santé. Non, un peu tard. Ou tôt. Mangez bien, bougez bien. Voilà. Il y a une pub France 4. Manger 5 fruits et légumes par jour, ça. Manger voilà. 5 fruits et légumes par jour. Sortez couvert. Merci de Chavannes, il va se calmer. On va s'arrêter là et merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour le premier vrai épisode dont nous vous dirons pas le sujet tout de suite, car nous ne savons pas nous-mêmes. Allez, au revoir. Au revoir. À la prochaine, salut.